face de la terre. Autre chose qu'une vie amère dans la grande marée humaine, dans la foule, dans la houle, l'indifférence générale. Je bouscule, je nettoie, avec ma croix jaune sur le bras. Je suis un voyageur solitaire qui recherche son itinéraire dans notre vie intérimaire, cette société de fonctionnaires. Je suis un voyageur solitaire, un apôtre révolutionnaire en quête d'un peu plus d'atmosphère dans cette puanteur urinaire, dans la foule, dans la houle, celle des gens bien comme il faut. Je déchire les étiquettes avec mon étoile sur la tête. Voyageur solitaire, le centre de la terre. Voyageur solitaire, perdu sur la mer. Dans la foule, cette houle, où vous vivez comme des poules. Je critique et je bouscule avec mon étoile sur le cul. Cette foule, vous vivez comme des poules. Je critique et je bouscule avec mon étoile sur le cul. Je suis un voyageur solitaire, sur mon radeau je désespère de trouver une autre terre, un endroit pur dans cet enfer. Je suis un voyageur solitaire, qu'a-t-il, une fille ou un dromadaire ?